Yes, give thanks and praise. Yes, cause Jah is live. Jah is the creator. Yeah, yeah. Praise Lord. Mon Dieu est vivant, il me pousse à l'éclat. Il me tend sa main et me guide comme un enfant. Garde au médisant, mais pas en toute sa puissance. Mon Dieu est vivant, il me protège du méchant. Combien de doux, combien de gouttes de sang devront couler encore pour que ne cesse ce tourment. Combien de fous, fanatiques assoiffés de sang devront agir encore tout en implorant son nom. Il est puissant, le saint des saints, des agir selon son dessein. Il sent méchant, plein d'ignorance, se laisse guider par le malin. Tout plein d'ignorance, l'incrédule, tu ne suis pas la lumière, mais se réfugie vers les ténèbres. Mon Dieu est vivant, il me pousse à l'éclat. Il me tend sa main et me guide comme un enfant. Garde au médisant, mais pas en toute sa puissance. Mon Dieu est vivant, il me protège du méchant. Les gens sacrifient le Christ, persécuté comme il est écrit ses disciples. Une seule vérité, mais on en fait des multiples. Ils sont puissants, ils sont méchants, puis nous parlent de justice. Oh, d'autres ont perdu la foi, ils disent que Dieu n'existe pas. Ont perdu tout espoir, aujourd'hui ils vivent dans le noir. Ils vivent dans le noir, noir, noir. Oh, mais mon Dieu est vivant, il me pousse à l'éclat. Il me tend sa main et me guide comme un enfant. Garde au médisant, mais pas en toute sa puissance. Mon Dieu est vivant, il me protège du méchant. Au commencement, Dieu cria la terre et les eaux. Le soleil, la lune éclairent ceux de plus haut. L'homme, la femme, la végétation, les animaux. Oh, oh, quoi de plus beau? Oh mon Dieu, quoi de plus beau? Et puis je fais le mal. Sa jalousie a fait de lui qu'on appelle le diable. Opposant à l'éternel notre père adorable. Il est méchant, il est puissant, pas plus que le tout puissant. Oh non, oh non. Mon Dieu est vivant, il me pousse à l'éclat. Il me tend sa main et me guide comme un enfant. Garde au médisant, mais pas en toute sa puissance. Mon Dieu est vivant, il me protège du méchant. Oh, mon Dieu est vivant, il me pousse à l'éclat. Il me tend sa main, il me guide comme un child. Garde au médisant.